EDF Entreprises, aux côtés des entrepreneurs dans toutes les situations. Donc ce mois-ci, j'ai consommé plus de 2 MWh d'électricité. Ah ben non, le mois dernier, on était à 0,8. Donc là, si j'enlève... Non, ou alors il faut que je recalcule dans l'autre sens. Oh la plaie! Heureusement, grâce au contrat flexible, EDF Entreprises vérifie que vous bénéficiez de la puissance et des prix les plus adaptés à votre activité. Contactez gratuitement dès maintenant votre conseiller EDF Entreprises au 3022. Devenons l'énergie qui change tout. Plus d'informations sur edf.fr/entreprise. L'énergie de notre avenir, économisons-la. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique. Personnellement, je n'aime pas parler, expliqua un jour Raymond Queneau dans un entretien. Je n'aime pas parler, peut-être à cause de mon caractère normand, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Et effectivement, quand j'énonce une assertion, je m'aperçois tout de suite que l'assertion contraire est à peu près aussi intéressante. Cela devient presque une superstition. En 1950, le peintre, romancier et poète Georges Ribemont de Saigne, l'un des précurseurs du mouvement Dada en France, recevait sur les ondes plusieurs écrivains dans une série d'émissions intitulée « Tête de ligne, entretien avec la poésie ». Queneau accepta d'être son invité pour la cinquième d'entre elles et on sent à plusieurs moments sa gêne à répondre à des questions forcément trop générales, à délivrer des assertions forcément trop définitives. Quel bonheur, pourtant, de l'entendre expliquer qu'il ne conçoit pas de poésie illisible à haute voix et lire quelques vers de son poème « Petite cosmogonie portative » alors sur le point d'être publié. La bande est ancienne, la qualité sonore hélas un peu altérée par le temps, mais l'écoute en vaut la peine. Tête de ligne, entretien avec la poésie, avec Raymond Queneau, une émission diffusée pour la première fois le 24 mars 1950. Entretien avec la poésie. Aujourd'hui, cinquième émission, Georges Ribemont de Saigne vous présente Raymond Queneau. Tête de ligne. Cher Raymond Queneau, votre nom est attaché à une œuvre déjà importante, où les relations mystérieuses de la vie, des hommes et du langage ont leur large part. Le succès d'exercice de style à la rose rouge, c'est-à-dire dans ce qu'il est convenu d'appeler une boîte de nuit, prouve que lorsqu'on le long sait s'y prendre, ces relations mystérieuses peuvent toucher un vaste public. Eh bien, si tel est le domaine de votre activité, si vous êtes un homme de langue comme d'autres sont gens de robe et d'autres d'épée, il est tout naturel que je prenne la chose par le début. Comment avez-vous commencé à vous servir des mots? Peut-être le langage ne prend-il toute son importance que lorsqu'il est écrit. Alors, transformons la question. Comment avez-vous commencé à écrire? Et dites-moi ce qu'il en résulta. J'ai commencé vers 5 ans, je crois, et il en résulta des bâtons et des pâtés. Je veux dire que j'ai l'impression d'avoir toujours écrit dans l'autre sens du mot écrire, des poèmes par exemple. Le contraire serait d'ailleurs extraordinaire. Tous les enfants écrivent, me semble-t-il. J'ai fait comme tous les enfants, et puis, comme presque tous les adolescents, j'ai continué, et puis, comme un certain nombre d'adultes, j'ai persévéré. Il m'a fallu de la persévérance, parce que quand on a publié mon premier poème dans une revue, je devais avoir dans les 35 ans. Vous voyez, je suis plutôt un arriéré. J'oubliais que, 10 ans avant, dans la Révolution surréaliste, Breton en avait publié un. Le surréalisme a, en grande partie, après Dada, dominé l'état poétique de l'entre-deux-guerres. Il était tout naturel que vous soyez attiré par lui et que vous y trouviez votre place. Je ne sais pas exactement comment vous avez pris contact avec André Breton, ni à quel moment. J'ai connu Breton par l'intermédiaire de Pierre Naville, que j'avais rencontré à la Sorbonne. C'était tout de suite après la publication du Manifeste du surréalisme, pendant l'hiver 1924-1925. J'ai fréquenté la centrale surréaliste qui se tenait chez Pierre Naville. Après sa fermeture, je n'ai vu le groupe que d'une façon intermittente. Je n'étais pas une recrue bien intéressante et puis j'étais excessivement timide. Ce n'est que lorsque je suis revenu du Maroc où j'étais zouave que j'ai participé réellement aux activités du groupe. Breton s'était intéressé à un texte que je lui avais montré, et je m'étais rapidement agrégé à ce qu'on appelait la rue du Château, c'est-à-dire le sous-groupe formé par Prévert, Tanguy et Marcel Duhamel. L'avis même du groupe surréaliste a toujours été sujet à convulsions internes. Cela tenait aux contradictions même de la théorie, et peut-être aussi aux passions personnelles des individus. En tout cas, un jour, vous êtes sorti du groupe surréaliste et vous avez trouvé votre liberté. Quel effet cela vous a-t-il fait? Je veux dire, comment avez-vous usé cette liberté? Comme la plupart des dissidents du groupe surréaliste, je me suis fâché avec Breton pour des raisons strictement personnelles et non pour des raisons idéologiques. Aussi, hors du groupe, je n'étais guère plus libre que dedans. Au contraire, on se sent coupable et inefficace. C'est ce qui arrive, je crois, à tous ceux qui s'excluent ou sont exclus de groupes fortement constitués. Je ne savais que faire et je me suis réfugié à la Bibliothèque nationale et je me suis mis à étudier les fous littéraires. Oui, je vois. Mais de votre séjour en pays surréaliste, où il faut en convenir, on pouvait être la proie de beaucoup d'enchantements. Avez-vous rapporté quelques souvenirs de voyage dont vous avez tiré des agréments et une influence durable? Ou au contraire, n'avez-vous eu tout à coup que le désir de secouer violemment le joug d'une discipline exigeante et d'effacer en une fois toute une période de votre vie? Ces deux questions ne me paraissent pas former une alternative. J'ai d'abord eu une réaction violente, une détestation passionnée. Je n'ai commencé à m'en débarrasser qu'en écrivant un roman qui s'appelle Odile. Et oui, d'ailleurs, il n'est pas question que de ça. Ce n'est pas un roman attelé. En principe, je suis contre. Mais je dois avouer que c'en est presque. En tout cas, il manifeste un refus total de toute l'atmosphère surréaliste. Maintenant, je reconnais l'importance du surréalisme pour les autres, comme pour moi-même, l'importance de son influence, tant en profondeur qu'en étendue. Et je ne m'en affecte plus. Il me paraît que, peu à peu, vous avez pris conscience plus grande de l'importance du langage, mais pas seulement à la manière surréaliste, lorsqu'elle est authentique. Manière qui en tire des profondeurs de l'inconscient, des mots tout chauds et les laisse se refroidir à la lumière du jour. Je crois que vous savez très bien ce que vous faites lorsque vous vous servez de l'apport inconscient. C'est là un travail qui se fait justement avant le refroidissement à ce que je viens d'appeler la lumière du jour. J'aimerais, ma foi, assez connaître votre mécanique propre dans ce domaine. Je ne vois pas trop ce que je pourrais dire à ce sujet. Il me semble que je n'ai pas de mécanique propre, j'ai celle de tout le monde, de tous ceux qui s'avisent d'écrire des poèmes, à condition de n'être pas exclusif. Oui, il y a le poème qui se prend tout de suite, comme vous dites. Il y a aussi le bourrimé, qui a ses charmes. Entre les deux, il y a toute une gamme qui est le domaine du commun des poètes. Vraiment, je n'ai rien à dire à ce sujet. Bon. Mais c'est à vous, je crois, qu'on peut particulièrement poser une question comme celle-ci. Qu'est-ce que vous pensez du langage employé généralement par les auteurs de romans, poèmes, etc.? Que vous jugez qu'il est vivant? Ne pensez-vous pas, au contraire, que le divorce, le fameux divorce entre intellectuel et public, ne vient pas du fait que les premiers emploient une langue morte de fonctionnaires de la pensée? Ils parlent en latin, par exemple. Tandis que le public attend qu'on lui révèle, dans un langage vivant, une poésie nouvelle. Car vient à attendre une rénovation de la langue écrite par le langage parlé, tout en donnant à celui-ci un style. Est-ce qu'il ne faut pas distinguer entre deux questions? L'une concernant l'importance de l'aspect oral de la poésie et l'autre concernant l'opposition qui existe en français entre le langage écrit et le langage parlé. Sur le premier point, eh bien, l'aspect oral me paraît essentiel. Je ne conçois pas une poésie faite seulement pour être vue, écrite, c'est-à-dire qui soit illisible à haute voix, autrement dit encore qui n'ait aucune vertu auditive sans rythme de quelque nature qu'il soit. Ce n'est pas une théorie, ce sont mes goûts. Il y a bien aussi une poésie purement écrite, mais je crains que malgré les calligrammes, l'imprimerie ne soit pour elle qu'un outil insuffisant. Quant à l'opposition entre langage parlé et langage écrit, elle a pris en français moderne les proportions d'une catastrophe. L'orthographe perpétue des formes désuètes, la syntaxe du français actuel tel qu'il est effectivement parlé, est aussi différente de celle du français écrit que celle-ci de celle du latin. Se cramponner au français de Voltaire n'est pas plus absurde que d'écrire des vers latins. En 1938, il y avait en Hollande une revue consacrée à la poésie latine contemporaine et le père Scheil, un orientaliste contemporain, a écrit d'excellentes épigrammes dans la même langue. Il s'agit seulement de savoir ce qu'on fait. Je demande simplement qu'on donne aux Français vivants les possibilités que l'on accorde bien aux Bretons et aux Provençals. Le français des grammaires est une langue morte. Ça n'aurait aucune importance si tous les Français étaient également morts. Seulement, comme il y en a encore une quantité appréciable de vivants, il paraît même que cette quantité augmente tous les ans, eh bien, c'est malheureux pour les Français de ne pas avoir le droit d'écrire comme ils parlent et par conséquent comme ils sentent. Nous sommes à plaindre. Je précise bien que je ne veux pas dire qu'il faut ramener la littérature et la poésie à une simple sténographie de ce qu'on appelle méprisamment le langage concierge et qui n'est somme toute que celui des académiciens avec quelques petites incorrections. Il s'agit, comme vous le dites, de donner un style au langage parlé. Nous pourrions peut-être assister à la naissance d'une nouvelle littérature. Je crois qu'une syntaxe morte est un tel éteignoir que lorsqu'on s'en sera débarrassé, il y aura non seulement une nouvelle poésie, mais encore une nouvelle philosophie. Si l'on met bout à bout vos différents livres, dans le temps comme dans l'espace, est-ce qu'on obtient une ligne continue ou une ligne discontinue? Je veux dire, chaque livre chassant pour soi, tout seul. Oui, comme les clous. Du moins, il me semble. Je n'ai jamais de projet d'avenir. Il y a bien un de mes romans que j'ai mis près de 15 ans à terminer, mais il présente bien des discontinuités intérieures. Et puis, supposer que l'on parte d'un livre pour en écrire un autre, c'est croire que l'on a acquis quelque chose en écrivant le premier. Je souhaite ne jamais me faire de pareilles illusions. Bien maintenant, j'aimerais bien que vous me parliez de vos livres eux-mêmes et de ce que chacun représente pour vous. Rien, rien. Puisque je pars à zéro à chaque fois, je le crois tout au moins. Cependant, si vous voulez, le premier représente le premier. Même si l'on croit recommencer à chaque fois, il n'y a que la première fois où ce soit tout à fait vrai. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai l'impression d'avoir toujours écrit. Et cependant, je ne me souviens pas avoir jamais formé le projet de devenir un écrivain, encore moins un romancier. Et quand j'ai commencé à écrire ce qui devait devenir Le Chien d'An, c'est le titre de ce premier roman, je voulais simplement faire un petit essai de traduction du discours de la méthode en français moderne. Bientôt, je me suis aperçu que j'étais tombé dans le bain romanesque. Alors, sous l'influence de Joyce et de Faulkner, qui n'étaient pas encore traduits, pour d'autres raisons aussi, j'ai donné une forme, un rythme, à ce que j'étais en train d'écrire. Je me suis fixé des règles aussi strictes que celles du sonnet. Les personnages n'apparaissent pas et ne disparaissent pas au hasard, de même les lieux, les différents modes d'expression. D'ailleurs, ce n'était pas tellement arbitraire, puisqu'aucun des critiques qui voulurent bien en parler à l'époque ne s'en aperçut. J'ai écrit d'autres romans avec cette idée de rythme, cette intention de faire du roman une sorte de poème. On peut faire rimer des situations ou des personnages, comme on fait rimer des mots. On peut même se contenter d'allitération. Même pour des romans linéaires, des récits, pour employer la terminologie de Gide, je me suis toujours astreint à suivre certaines règles qui n'avaient d'autre raison que de satisfaire mon goût pour les chiffres ou des fantaisies personnelles. Encore une fois, ce n'était pas tellement arbitraire, puisque on ne l'a jamais remarqué, encore moins reproché. Enfin, je n'ai jamais vu de différence essentielle entre le roman, tel que j'ai envie d'en écrire, et la poésie. J'ai même écrit un roman en vers, Chêne et Chien, et j'ai choisi pour cela un sujet qui passe généralement, pour ne pas être spécialement poétique, la psychanalyse. Dans la première partie, je raconte mon enfance, qui ne fut pas gaie, et dans la seconde, un traitement psychanalytique, qui ne le fut pas non plus gaie. J'ai publié ce petit livre en 1937. Je m'étais mis de nouveau à écrire des poèmes depuis un an ou deux. J'avais cessé d'en écrire après avoir quitté le groupe surréaliste. En 1943, on parut Les Yeux, un peu plus tard Bucolique, qui passe pour mauvais, et en 1947, L'Instant Fatal, ce sont surtout des poèmes sur la vieillesse et la mort. Il y en a un dont on a fait une chanson. Il paraît d'ailleurs, j'ai lu ça dans un journal, que tous les Français se mettent à écrire des chansons. Tant mieux, cela redonnera peut-être quelque jeunesse à notre langue. Les exercices de style, et je suis parti d'un incident réel, et je l'ai raconté 12 fois de façon différente, puis un an plus tard, j'en ai refait 12 autres, et finalement, il y en a eu 99. On a voulu voir là une tentative de démolition de la littérature. Ce n'était pas du tout dans mes intentions, en tout cas, mon intention n'était vraiment que de faire des exercices. Le résultat, c'est peut-être de décaper la littérature de ses rouilles diverses, de ses croûtes. Si j'avais pu contribuer un peu à cela, j'en serais bien fier, surtout si je l'ai fait sans ennuyer trop le lecteur. C'est très bien. Je suis sûr que vous n'avez ennuyé personne, d'ailleurs. Et bien entendu, tout ce que nous venons de dire là, c'est à cheval à la fois sur l'habit, sur les livres. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tout ça se mêle à la littérature, devient de la littérature, dans le meilleur sens du terme, d'ailleurs. Mais je vous connais assez pour savoir que la vie a pour vous une importance réelle en dehors de la littérature. Eh bien, qu'en pensez-vous donc de la vie? Nous sommes à une heure où tout est remis en question une fois de plus, mais d'une façon particulièrement grave, cette fois est telle, semble-t-il, que le monde entier se ressent de cette crise où le moral et le matériel sont terriblement liés. La vie est absurde, dit-on. Cependant, on vit. Alors, comment conciliez-vous cela vous-même? Je ne concilie rien. C'est pas parce que je dirais que j'ai concilié ceci et cela que je serais arrivé à quelque chose. On ne concilie que dans la mesure où l'on vit, et vivre c'est aussi parler. Mais ce n'est pas rendre hommage au langage que de lui attribuer des fonctions qu'il ne doit pas avoir, et notamment celle d'escamoter les questions graves. Je préfère ne pas parler de ce sur quoi je ne sais pas parler, à supposer que je sache parler de quoi que ce soit. Comment concilier l'absurde et la vie en vivant absurdement, sans doute? Oui, cette question que je viens de vous poser me paraît être une des plus importantes qu'on puisse agiter devant un homme, à la manière d'une étoffe rouge devant un taureau. Vous me direz qu'on peut très bien ne pas se poser de questions du tout et laisser cela aux philosophes. J'en serais d'accord. Nous mourons de philosophie. Nous crevons même de plus que cela. Nous sommes empoisonnés par les mythes. Et j'aimerais infiniment que quelqu'un se lève pour une grande entreprise de démythisation, disons, pour frôler jeu de mots, de démitage, grâce à un quotidien et universel Fly Talks. Mais excusez-moi, mais tout cela, je vous le dis pour en arriver à ceci. Les intellectuels ne se satisfont plus qu'au maniement d'abstraction. Ils font l'amour avec des idées, et particulièrement depuis ce jour qu'on appelle celui de la libération. Il y a une abstraction homme, une abstraction liberté. Autant de mythes. Nous voilà en plein existentialisme. Eh bien, mon cher Queneau, comprenez-vous où je veux en venir? Et qu'est-ce que vous en pensez? On ne mange pas le mot pain, on ne boit pas le mot vin, mais bien dit, ils ont leur importance. Je ne crois pas au langage qui se prend pour ce qu'il n'est pas. Je ne crois pas à une poésie qui serait mensonge. C'est l'exactitude qui donne toute leur valeur aux métaphores les moins évidentes. Un empereur changea les mœurs des Chinois en modifiant leur langue. Voilà ce qui me paraît fort possible. Il y a une force du langage, mais il faut savoir où l'appliquer. Il y a différentes sortes de leviers, et l'on ne soulève pas un bloc de pierre avec un casse-noisette. Oui, et il y a le temps présent. Eh bien, ce temps présent où nous sommes, vous et moi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez peur comme tout le monde? Est-ce que vous voyez un mur devant vous? Ou de verts horizons où, ma foi, il y aura comme toujours des accommodements pleins de charme avec la réalité? Est-ce que vous croyez vraiment qu'il existe une solution réelle à laquelle chaque homme répugne, mais que l'ensemble des hommes est capable de précipiter, c'est-à-dire la fin du monde? Il est assez drôle, soit dit en passant, que maintenant que nous ne croyons plus à la vengeance céleste, au tonnerre de Dieu, comme on dit, ce soit du ciel que nous attendions la bombe finale. Je n'y pense pas, et je n'ai pas peur, parce que je n'y pense pas. L'avenir n'existe pas pour moi. Je suis très imprévoyant. Je n'aime pas aller au théâtre, parce qu'il faut louer ses places. Quelquefois, à la rigueur, j'y vais, parce qu'on en a loué pour moi. Si on a déjà loué ma place pour voir éclater la dernière bombe sur le grand théâtre du monde, pourquoi pas? Mais on nous aura dérangés pour peu de choses si la sortie coïncide avec le lever du rideau. En attendant, mon cher Queneau, vous continuez à travailler sagement. Faut bien vivre, n'est-ce pas? Dirons-nous avec un certain humour noirâtre. Après le passé et le présent, nous mettons en cause un avenir que nous commençons à grignoter. Dans un instant, j'aurai cessé de vous importuner avec cet entretien qui ne vous a déshabillé que pour vous revêtir à neuf, aux yeux de tout le monde, si tant est qu'à la radio, les oreilles deviennent des yeux. Eh bien, je sais que vous avez des projets que vous mettez peu à peu à exécution. Ils ont trait à la science. Eh bien, ces projets, quels sont-ils? Un jour, il y a 2 ans, je me suis mis à écrire un poème en alexandrin. Je ne savais pas tout d'abord ce que c'était. Ensuite, j'ai trouvé le titre « Petite cosmogonie portative ». Elle aura 6 chants, c'est le genre qui veut ça. L'homme apparaît à la fin du 5e et le 6e est consacré aux machines. Je crois que je terminerai sur les grandes machines à calculer. Ce n'est pas un poème didactique, c'est la science envisagée comme thème poétique. D'ailleurs, il y a une explication du poème à l'intérieur du poème même, au 3e chant, dans une prosopopée d'Hermès. Est-ce que je peux vous lire ce qu'il dit de mes intentions, Hermès? Bien entendu, nous sommes tous heureux, ça terminera très agréablement cet entretien. Donc Hermès parle. Malgré son irrespect, nous leur expliquerons à ses lecteurs français son dessein bénévole. Au lieu de renoncule ou bien de liseron, il a pris le calcium et l'abeille alvéole, compris. Au lieu de banc ou de lune au printemps, il a pris la cellule et la fonction phénol, compris. Au lieu de mort, d'ancêtres ou d'enfants, il a pris un volcan régulus ou algol. Au lieu de comparer les filles à des roses et leurs sautes d'humeur aux pétales qui volent, il voit dans chaque science un registre bouillant. Les mots se gonfleront du suc de toute chose, de la sève savante et du docte latex. On parle des bleuets et de la marguerite, alors pourquoi pas de la pec-blinde, pourquoi? On parle du front, des yeux, du nez, de la bouche, alors pourquoi pas de chromosomes, pourquoi? On parle de Minos et de Pasiphae, du pélican lassé qui revient d'un voyage, du vierge, du vivace et du bel aujourd'hui. On parle d'albatros aux ailes de géants, de bateaux descendant des fleuves impassibles, d'enfants qui dans le noir volent des étincelles. Alors, pourquoi pas de l'électromagnétisme? Ce n'est pas qu'il, c'est moi, sache très bien ce que c'est. Les autres savaient-ils ce que c'était que les roses, l'albatros, le voyage, un enfant, un bateau? Ils en ont bien parlé. L'important, c'est qu'ils osent. De quelques calembours naît signification. L'écriture parfois devient automatique. Le monde ne subit point de déformation. Très conforme en est la représentation. Des choses à ces mots vagues, biunivoques, bicontinues et translucides et réciproques. Chose, mots et des alexandrins. Ce petit prend le son comme la chose vient. Modeste est son travail, fluide est sa pensée, si pensée il y a. Merci, Derlanana. Vous venez d'entendre Tête de ligne, entretien avec la poésie, aujourd'hui 5e émission. Georges Ribemont de Seigne vous a présenté Raymond Queneau. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 24 mars 1950. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits. Quand j'ôte mon chapeau, quand j'ôte mon chat, quand j'ôte mon chapeau, je ne suis plus si beau quand j'ôte mon chapeau. Avec un haut de forme, j'ai l'air d'un type énorme, d'un petit rigolo. Quand j'ôte mon chapeau, quand j'ôte mes souliers, quand j'ôte mes sous, quand j'ôte mes souliers, je diminue une moitié quand j'ôte mes souliers. Et les passants s'écartent pour voir les jeux de cartes qui gisent à mes pieds quand j'ôte mes souliers. Quand j'ôte mon faux col, quand j'ôte mon faux, quand j'ôte mon faux col, tous les gens rigolent quand j'ôte mon faux col. Tout comme une girafe dont le cou se dégrafe, y a ma tête qui rentre dans mes épaules quand j'ôte mon faux col. Quand j'ôte mon valseur, quand j'ôte mon va, quand j'ôte mon valseur, on voit mon malheur. Quand j'ôte mon valseur, sans ma triple doublure, j'ai plus beaucoup d'allure. J'perds toute épaisseur quand j'ôte mon valseur. Quand j'ôte mon gilet, quand j'ôte mon gilet, on dit, et où qu'il est? Quand j'ôte mon gilet, sous le tissu circule un petit animalcule. Laissez-moi s'il vous plaît quand j'ôte mon gilet. Quand je suis dans tes bras, quand je suis dans tes, quand je suis dans tes bras, je me sens un peu là. Quand je suis dans tes bras, sous tes doigts je me perds. Mais lorsque le charme perd, moi qui n'étais plus rien, je grandis soudain car si j'ôte mon chapeau, si j'ôte mon faux col, si j'ôte mes souliers, si j'ôte mon gilet, c'est pour mieux t'aimer. Car t'as besoin ce soir, plutôt qu'un malabar, d'un petit monsieur pour trouver un grand amour. D'un petit monsieur pour trouver un grand amour.